Je rêve d'un voyage à l'autre bout du ciel, sans bagage, au soleil, porté par le vent, retrouver l'essentiel en volant de mes ailes. Ne tenir qu'à ce fil me laisse encore un droit. Alors ainsi soit-il, puisque j'ai fait mon choix. Qui m'aimes-tu? Qui m'aimes-tu? Aimer est au-dessus des lois. Qui me tuera? Qui viendra m'offrir pour toujours la plus belle des histoires d'amour? Ce que j'étais, je ne le suis plus. Qui m'aime, me tue. Je rêve de partir, si souvent je m'y vois. Je respire mieux déjà. Pourquoi se mentir? On le sait, vous et moi. Revenir, je ne peux pas. La moitié de personne, ce qui reste d'un homme, comme un nouveau départ, j'attends une autre histoire. Qui m'aimes-tu? Qui m'aimes-tu? Aimer est au-dessus des lois. Qui me tuera? Qui viendra m'offrir pour toujours la plus belle des histoires d'amour? Je ne suis que l'ombre de moi, et moins que ça. Qui m'aimes-tu? Qui m'aimes-tu? Tout se donner rien qu'une fois. Qui me tuera? Demain une autre vie m'appelle. Un chemin pour être immortel. Ce que j'étais, je ne le suis plus. Qui m'aimes-tu? Et ne plus vivre ici, qu'importe. Je veux passer la dernière porte. Tout recommencer, tout refaire. Si vous m'aidez, je peux le faire. Tout se donner rien qu'une fois. Qui me tuera? Qui viendra m'offrir pour toujours la plus belle des histoires d'amour? On se reverra, je l'ai vu. Qui m'aimes-tu? Qui m'aimes-tu?